Vas-y, regarde. 2, 1, 2, regarde. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, ouais. Regarde-la agir, la laisser faire sans réagir. Ça flaire, personne sur terre n'aime la subir. On peut se taire, mais on a tellement de choses à dire. Tellement de causes à dire vrai. Si on s'oppose à fuir, la touche pose, on s'expose. Donc on s'exprime, chaque prose précise. Vise comme à l'escrime, explose. De 1, explose. De 1, explose. De 1, 2, explose. Pour faire la misère à la misère. Fab, secrète. Nouveau millénaire. Tu crèves devant moi, rien à foutre des SDF. Rien à foutre des manchots de 5 ans, rien à foutre des bébés affamés. Rien à foutre, tu penses que j'en ai rien à foutre. Mais quand j'ai rien à foutre, je me décarcasse car je ne peux passer ou des soucis. J'en ai des tonnes à cause de Suzy. Suzy c'est ma caniche, ma chienne qui bouffe plus qu'un outil. Comme la France qui se branle, que la jeunesse jouisse. Dans les coulisses, Louis épice la misère. Et les miséreux périssent. Sillon, mais si vulgaire sur le sillon. T'inquiète pas que nos textes sur le tas, nous les trions, mais sur un sujet pareil. Ma voix s'enraille pour remettre sur les rails. Qui ont cru que le rap conscient, c'était Daimon Oeil, un objectif. Une caméra numérique, éclectique, au niveau musical. Mais effectivement, le mot misère en l'an 2000 devrait ne plus exister dans le dictionnaire, tout ça reste débile. Quoi, quoi, que la misère nous laisse froid. Si t'avais du cœur, tu la supporterais pas. Tu crois quoi, c'est mondial, fils, tu sais ça. Elle rôde, elle s'étend, tu la vois, tu crois quoi, que la misère nous laisse froid. Si t'avais du cœur, tu la supporterais pas. Faut qu'il y ait des gars qui réagissent à ça. On en parle car chez nous on la voit. Chez nous la misère fait partie du décor. Au point qu'on se dit c'est la vie. Mais je reste pas insensible quand les huissiers débarquent sans préavis. Quand je vois des familles ballottées par les services sociaux, manger sans dignité par moins de degrés à même le sol. Ça me fout la rage, j'aimerais tout cramer. Mais par quoi commencer? J'aimerais même tuer mais qui est un flic ou le président français. Si on juge responsable de cette pauvreté à nos yeux, d'ambiance morbide et malsaine qui plane dans ces lieux. Ça me rend triste comme un père qui peut rien offrir à ses gosses. Et ne tel un type dont la famille est morte dans l'holocauste. Y'a de quoi s'alarmer s'il manque nous arrive. Les beaux jours doivent pas se limiter à ceux où tombe à Loc et RMI. Je me fous bien de savoir que je vis dans un pays riche où est l'intérêt si une partie est laissée en friche. Je me dois de fuir tout ce merdier, me mettre à l'abri, moi et les miens faisant de même tant que t'y es. Tant que t'y es, vas-y, vas-y, prends ta part du monde comme la flasie. On sait ce qu'on fait, j'entends, c'est toi qui choisis. Vas-y, vas-y, tant que tu réagis, vu que quand c'est la misère chez nous, ils envoient pas la fée du logis. Tu crois quoi, hein? Que la misère nous laisse froid. T'avais du cœur, tu la supporterais pas. Tu crois quoi, c'est mon mondial, fils, tu sais ça. Elle rôde, elle s'étend. Tu la vois, tu crois quoi? Que la misère nous laisse froid. Si t'avais du cœur, tu la supporterais pas. Il faut qu'il y ait des gens qui réagissent à ça. On en parle car chez nous on la voit. Entre rêve et cauchemar, voilà que je me lève en sursaut. Mon corps est subitement démonté vers mon miroir. Je t'assure c'est comme être aspiré par une force inconnue. Alors je le fixe, je me fixe. Soudain aspiré, pris dans la spirale, c'est le départ. Endroit inconnu où la misère fait mal, j'étale son part. Les plus faibles, loin d'être une fable. Ici y'a plus de règles et la plupart sont misérables. J'ai dû bégère deux fois, trois fois avant de comprendre ce qu'il en était. Passé de l'autre côté, malheur je peux plus les noter. Triste réalité au vision dramatique, critique. Ce sont mes frères qui meurent de faim, pas qu'en Afrique, mais partout dans le monde. Les yeux grands ouverts, j'observe la misère du monde. Atteint une mélancolie profonde. Je marche, fonde mon analyse sur cette mélodie qui me hante, qui canalise. Monte mon taux d'adrénaline, faut que je banalise ce reflet qui pourrait être la fin. Comme tous mes frères, moi j'ai vu ce qu'était la fin. Ok, c'est bon. Que veux-tu que je te dise? Que tes démons hantissent, que tous les jours c'est le même cauchemar et que beaucoup se refugient dans la vie. Sous loin d'être un pasteur pour éduquer la masse, j'ai juste à dire que sur la terre c'est la merdasse. Mon âme pleure quand je vois ce dans la zermie, car la misère m'a aigri, mais je reste intègre. Si je prends le mic, c'est pour exprimer ma rage, mon cœur, un espoir que demain, ouais,